cœur à la fête, dans les pâquerettes, rime jour et nuit. Croisant d'île en île, c'est vers les Antilles qu'il voguait tranquille, car au fil de l'eau, coucou panier, papa t'en rond, les yeux fermés, on fait ronron. Coucou panier, papa t'en rond, pour bien rêver, c'est ça qui est bon. Une fille brune, n'ayant pour costume qu'un collier de lune, lui donna son cœur. Le soir du mariage, tout le voisinage courut sur la plage, leur chanter en cœur. Coucou panier, papa t'en rond, les yeux fermés, on fait ronron. Coucou panier, papa t'en rond, pour bien rêver, c'est ça qui est bon. Depuis sur la grève, il s'aimait sans trêve, vivant un beau rêve, bercé par les flots. Elle cœur à la fête, un gentil poète, fou de joie répète, tout près du berceau. Coucou panier, papa t'en rond, panier d'osier, petit chaton. Coucou panier, papa t'en rond, petit enfant, berceau blanc.